Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, suite de notre semaine sur l'humour, autour de cette question, peut-on rire de tout ? Et plus que jamais aujourd'hui, puisque nous revenons sur l'affaire des caricatures de Mahomet, ou comment 12 dessins ont embrasé le monde. C'est l'histoire d'une liberté, celle de la presse, bien sûr. C'est l'histoire également de la République française, laïque, qui assure l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, et qui respecte toutes les croyances. Alors, dessiner le visage de Mahomet, en faire une libre représentation, est-ce blasphémé ? Charb, le patron de Charlie Hebdo, assassiné, le répétait, la seule loi à laquelle je me soumets, c'est la loi républicaine, pas la loi coranique. Cette histoire des caricatures de Mahomet, que le journal satirique a publié, est évidemment une histoire aux résonances dramatiques qui nous renvoie à l'assassinat de nos confrères de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Notre invité aujourd'hui, le dessinateur Z, caricaturiste tunisien et membre de l'association Cartooning for Peace, les dessins pour la paix. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est en 2005, au Danemark, que débute notre histoire. Un écrivain de livres de jeunesse du nom de Kare Brygten cherche un dessinateur pour illustrer son prochain ouvrage sur la vie de Mahomet destiné aux adolescents. Kare Brygten est un auteur reconnu dans son pays. À chaque publication, son ouvrage est lu, conseillé, critiqué. Pourtant, personne ne souhaite illustrer ce livre-là et dessiner le prophète. Un seul finit par accepter en échange d'un anonymat total. Lors d'un dîner, l'écrivain raconte sa mésaventure à un journaliste. Or, c'est bien connu, se confier à une carte de presse, c'est transformer une anecdote en information. Dont acte. Après publication de son article, Fleming Rose, rédacteur en chef des pages culture du journal Jyllands-Posten, décide de lancer un concours auprès de dessinateurs sur le thème de Mahomet. 12 dessins sont sélectionnés. Le 30 septembre 2005, en page 3 de son cahier culture, sous le titre « Les visages de Mahomet », on découvre ces dessins qui nous offrent autant de regards sur l'islam et son prophète. Comme le dira quelques semaines plus tard le dessinateur de Charlie Hebdo, Riss, le crime est dans l'œil de celui qui regarde le dessin. Alors, que voyons-nous ? Des dessins de presse, des illustrations, des caricatures aux aspects divers. Certains de ces dessins sont humoristiques, d'autres enfantins, voire maladroits ou poétiques, comme celui où l'on voit une étoile et un croissant qui s'encastrent dans un visage. On se souvient aussi de celui où l'on voit un dessinateur tremblant devant sa feuille lorsqu'il dessine le visage du prophète. Sentiment prophétique, si l'on peut dire, quand on sait ce qui se passera 10 ans plus tard dans les locaux de Charlie Hebdo. Mais le dessin qui va mettre le feu aux poudres, c'est celui de Kurt Westergaard, où l'on voit le visage d'un Mahomet barbu, coiffé d'un turban avec une mèche d'explosif, comme un symbole, une métaphore de ce qui va venir. Le même jour, le 30 septembre 2005, à Paris, rue de Turbigot, au siège de Charlie Hebdo, on prépare la sortie du numéro de mercredi. La vie de ce journal satirique est originale, profondément libertaire, ce qui tranche dans nos sociétés devenues si frileuses. Lors des conférences de rédaction, la parole est libre, outrancière, vacharde, drôle, tranchante. Entre plumes et dessinateurs, on discute, on s'engueule, on rigole ensemble autour d'un bon mot ou d'un bon dessin. Charlie Hebdo, c'est le journal de référence de la presse satirique française. Né sous la plume du professeur Choron et de François Cavanna sous De Gaulle, il ferme ses portes à l'arrivée de la gauche au pouvoir en octobre 1981. Puis il renaît de ses cendres en 1992 sous l'impulsion, entre autres, de Philippe Val, qui en prend la direction. Ce vendredi 30 septembre 2005, il fête sans doute la sortie de l'ouvrage « Les années Jean-Paul II », un recueil caustique sur la vie du pape Jean-Paul II, sujet récurrent des pages de l'hebdomadaire. Depuis sa création, le journal revendique son anticléricalisme et son droit à caricaturer toutes les religions. L'histoire aurait pu s'arrêter là, en France, comme au Danemark d'ailleurs. Les deux salles de rédaction auraient pu poursuivre leurs travaux sans protection, sans crainte. Pourtant, quelques mois plus tard, Fleming Rose, Philippe Val, Cabu, Sharp, T-News, Wolinski et Luz se retrouveront ensemble dans une salle d'audience au Palais de Justice à Paris. Alors, comment en est-on arrivé là ? Oh, Deux semaines après la publication des 12 caricatures, le 14 octobre 2005, 3500 musulmans manifestent dans les rues de Copenhague devant les bureaux de Jyllands-Posten. Ils protestent contre le journal qui a représenté le prophète sous des traits qu'ils jugent blasphématoires pour leur religion. Deux dessins attirent particulièrement les critiques de manifestants. Celui où on le voit Mahomet coiffé d'une bombe et un autre où des kamikazes arrivent au paradis et découvrent qu'il n'y a plus les 70 vierges récompenses du paradis. Sous ces dessins, aucun titre, juste le nom des dessinateurs. Chaque regard, chaque individu propose alors son interprétation. Certains y voient une critique contre les intégristes qui revendiquent la parole de Mahomet pour perpétrer des attentats. D'autres y voient l'amalgame entre musulmans et terroristes. C'est une question d'angle et de point de vue. Le 17 octobre, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, le journal égyptien Al-Fagar publie 6 des 12 caricatures. Ce journal, pourtant en terre musulmane, ne reçoit aucune menace ou revendication. Au Danemark, en revanche, la mobilisation ne faiblit pas. C'est un peu le monde à l'envers. La manifestation devant les portes du journal n'est qu'une première étape. Les associations et fondations de tout genre mobilisent les croyants contre les dessins lors de meetings, autour de pétitions ou à l'occasion de rassemblements. Ils demandent des excuses au journal. Dans les couloirs des ambassades aussi, la révolte gronde. C'est le cas dans les locaux de l'autorité palestinienne au Danemark, comme l'explique sa représentante Maï Saraf au micro de l'émission Pièce à conviction sur France 3. On représente des pays musulmans et on se doutait des réactions des gens dans la rue chez nous, dès qu'ils seraient au courant. On savait ce qui allait se passer. Je me répète, mais même si je suis chrétienne, je sais combien ces caricatures sont humiliantes pour eux. Alors nous avons réfléchi ensemble aux meilleurs moyens pour attirer l'attention du gouvernement sur le danger de la situation. Le 19 octobre, 11 ambassadeurs de pays musulmans envoient une lettre au Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen. Celui-ci refuse de les recevoir et réaffirme que la liberté d'expression est l'un des fondements de la démocratie danoise. Les conséquences de ce refus sont symptomatiques de l'affaire des caricatures, dont l'explosion et l'escalade s'expliquent selon différentes grilles de lecture, différents contextes et temporalités propres à chaque pays. Au Danemark, Anders Fogh Rasmussen détient la majorité au Parlement grâce à une coalition avec le parti d'extrême droite danois. Son refus est donc ouvertement politique. Mais cette maladresse stratégique a de sérieuses conséquences. Pendant plusieurs semaines, les caricatures circulent au Danemark et dans les institutions musulmanes du monde entier. Une délégation d'imams danois prend la route en direction de la Syrie, de la Libye et de l'Égypte. Elle rencontre des hauts responsables de la religion musulmane comme Mohamed Sayed Tantouani, grand imam de la mosquée Al-Azhar, la plus ancienne du Caire. Les musulmans danois sont venus nous voir. Ils nous ont présenté un dossier avec des dessins qui sont des insultes contre notre prophète, que Dieu le protège. Nous les avons reçus cordialement et nous leur avons dit que nous ferions le nécessaire pour qu'ils puissent repartir et vivre tranquillement dans leur pays d'accueil. Nous leur avons promis de tout mettre en œuvre pour que ces gens qui font des caricatures ignobles sur notre prophète, que Dieu le protège, arrêtent leurs attaques contre lui. Le dossier des imams danois ne comporte pas seulement les 12 caricatures, mais d'autres représentations. Des illustrations et des montages qui montrent le prophète, mais dont on ne connaît pas la source. En tournant les pages du fascicule, on tombe par exemple sur la photo d'un homme avec un nez de cochon. Il ne s'agit pas d'une caricature offensante du prophète, mais d'une photo volée prise lors d'un rassemblement d'une fête du cochon en France, tout simplement. Les images ne sont pas toujours sages. Avec l'informatique et la puissance d'Internet, la diffusion et la fabrique du faux sont devenues une pratique quotidienne. Toute image est source de montage, recadrage, jusqu'à en déformer le sens. L'affaire des caricatures est aussi une affaire de manipulation, d'instrumentalisation, conséquences politiques et diplomatiques. Dès le début du mois de décembre, au Pakistan par exemple, un groupuscule met à prix la tête des dessinateurs, des drapeaux danois sont brûlés. Quelques semaines plus tard, après une première rencontre avec l'ambassadeur danois en Égypte, la Ligue arabe décide de réunir l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays membres pour réagir collectivement à l'affaire danoise. Le 29 décembre 2005, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Abdelilah El-Khatib, déclare « Nous demandons des excuses aux Danois. Nous avons déjà fait pression sur eux, il faut qu'on continue. Il faut que nous fassions des pressions économiques. » Dans le même temps, l'Arabie Saoudite rappelle son ambassadeur du Danemark et retire tous les produits danois des rayons des hypermarchés. Le Koweït lui emboîte le pas quelques jours plus tard. La mesure produit son effet. Le 30 janvier 2006, le rédacteur en chef du quotidien danois, Karsten Juste, présente ses excuses en arabe et en première page du site internet de son journal. Le même jour, le premier ministre danois prend la parole à la télé. Il réaffirme l'importance de la liberté d'expression, mais il se désolidarise du journal. Le gouvernement danois n'a pas d'opinion sur les caricatures publiées dans les journaux danois. Les journaux sont libres et indépendants du pouvoir et décident de ce qu'ils publient. Si vous me demandez maintenant mon opinion personnelle, je ne me permettrai jamais de représenter Mahomet. Au même moment, en France, dans la salle de rédaction du quotidien François, on hésite à publier les 12 caricatures. Depuis quelques jours, dans de nombreux pays, des journaux diffusent partiellement ou entièrement les dessins danois. Mais le mercredi 1er février, sous la houlette de son rédacteur en chef courageux, l'excellent Serge Faubert, François est le premier journal français à publier la série des caricatures danoises. Il titre en une « Oui, on a le droit de caricaturer Dieu » avec un dessin original où l'on voit Bouddha, Yahvé, Mahomet et Dieu sur un nuage. Dieu dit à Mahomet « Râle pas Mahomet, on a tous été caricaturés ici ». Danoise puis internationale, l'affaire des caricatures devient une histoire et bientôt une passion française. Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines chargées du vin d'hier. Nous rions comme baleines. La route est une mer qu'aucun rouleau n'agite. Les péages comme des îles balisent notre fuite. Dans un camion dans la plaine dévolue à la station service, dans l'air qui nous saisit, sentons nos os craquer, comme nous avons vieilli, comme nous avons roulé, comme nous avons tiré sur nos forces motrices. N'attendez pas, nous ne reviendrons jamais. Et triangle à la main, dans le camion teinté, nous boirons tout l'or noir plutôt que d'arrêter. Et passerons sans le voir dans un feu de forêt. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le 1er février 2006, le numéro de François est dans les kiosques, mais son directeur Jacques Lefranc fait ses cartons. Le propriétaire franco-égyptien Raymond Lach le fait limoger. Le journal sort et la polémique sur les dessins débute. Dalil Boubaker, président du Conseil français des cultes musulmans et recteur de la Grande Mosquée de Paris, est le plus virulent. Il déclare que les dessins sont odieux et parle d'une provocation vis-à-vis des millions de musulmans de France. Les micros s'étendent, le débat s'ouvre, chacun avance ses arguments. Charb, l'un des dessinateurs de Charlie à l'époque, répond à la polémique au micro de France Inter. Si ces dessins sont choquants ou portent atteinte à l'image de quelqu'un ou d'une idée, il y a des tribunaux qui sont prévus pour ça. Donc si les instances musulmanes sont choquées par ces dessins ou sont choquées par d'autres dessins, il y a toujours la possibilité d'aller devant un tribunal. On a eu des ennuis une fois à Charlie Hebdo avec une frange très minoritaire et plutôt extrémiste parce qu'on avait représenté un dessin de Cabu représentait le prophète. Bon, ils ont fait un peu de bruit, ça s'est fini devant les tribunaux, effectivement, ils ont perdu et... et la vie continue. Il ne faut pas non plus confondre des dessins, des caricatures avec des attaques personnelles contre un peuple ou contre une religion ou contre une croyance. Ça a été difficile de se moquer de la religion catholique. On s'est battu pour ça. Des journaux bien plus anciens que Charlie Hebdo ont lutté pour ça. Je pense notamment à l'Assiette au beurre au début du siècle. On a fini par gagner un peu de terrain et suffisamment pour pouvoir s'exprimer librement. Maintenant, si d'autres religions, notamment l'islam, essayent de revenir en arrière, eh ben on va se battre de notre côté avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec la loi française et puis un crayon et du papier. Puis les représentants des cultes emboîtent le pas et sautent sur l'occasion. Catholiques, protestants, juifs, tous soutiennent la démarche des représentants musulmans et critiquent la publication des caricatures danoises, comme l'archevêque de Lyon, Monseigneur Barbarin. J'aimerais pas qu'on fasse ça avec le visage de Jésus. Si je vois ça dans une publication à propos de Jésus, je reconnais que ça me blesse. Donc je comprends la blessure des musulmans. Et je trouve que c'est pas respectueux. Et quand les musulmans sont attaqués, je dis, ben non, pourquoi est-ce qu'on respecterait pas aussi leur foi à eux? Une caricature dont on sait que ça va blesser l'intime d'une personne, je trouve qu'on a raison de mettre le haut là et dire, arrêtez de blesser les gens. Les gens ont le droit d'être respectés. Vous avez tout à fait le droit de pas être croyant. Et nous avons tout à fait le droit d'être croyant. Et à l'intérieur d'une république où on a dit qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, on respecte les cultes. Donc on respecte les convictions profondes des gens. Et si quelqu'un est très en colère contre les religieux, il n'est pas obligé de cracher à la figure. Nous avons aussi le droit au respect, comme tout le monde. Le respect des cultes, comme celui du droit à la caricature, ce télescope, chacun interprète les définitions selon sa conscience ou sa position. Pour les représentants des différents cultes, cette histoire constitue l'occasion inattendue de réaffirmer l'importance, à leurs yeux, de la place de la religion dans la société. Alors aux responsables politiques de réaffirmer les droits et l'espace de tout à chacun, on appelle ça la laïcité. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et des Cultes à l'époque. Il le fait lors d'une intervention à la télévision. Nous sommes une république laïque et démocratique. Lorsque la caricature va au-delà du raisonnable, ce sont les tribunaux qui en jugent, pas les autorités religieuses et pas les gouvernements de pays musulmans. Alors tout ce qui est de l'amalgame est odieux, parce que l'islam ne veut pas dire le terrorisme. Ça n'a même rien à voir. C'est une religion de paix. Mais on ne va pas faire une législation spécifique pour une religion par rapport aux autres. La caricature, c'est par définition l'excès. Eh bien, je préfère cet excès à celui de la censure. Et on ne va pas rétablir la censure parce que l'islam de France est devenu, par le nombre des pratiquants, la deuxième religion de France. Et en France, on n'interdit pas les journaux. Alors, ce qu'a fait le propriétaire de François me semble par ailleurs étonnant. Il doit avoir une conception particulière de la clause de conscience professionnelle dans la presse et de la liberté de la presse. Le lendemain, le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, est reçu à l'Élysée. À la sortie de cet entretien, Jacques Chirac, plus consensuel que jamais, rappelle que la France, pays de laïcité, respecte toutes les religions et toutes les croyances, puis appelle chacun au plus grand esprit de responsabilité. Et bien justement, Charlie Hebdo va les prendre, ses responsabilités, comme des dizaines d'autres dans le monde entier, en ce mois de février 2006. Le 3 février, dans les locaux de la rue Turbigo, la conférence de rédaction commence. Ils sont tous là, Philippe Val, Gérard Biard, Cabu, Charb, Tinius Riss, l'oncle Bernard, notre Bernard Maris, disparu, Caroline Fourest et d'autres. Ensemble, ils décident de publier aussi les caricatures danoises, en y ajoutant leurs dessins. C'est Cabu qui se charge de la une. Écoutons-le, entouré de ses comparses et complices. C'est un extrait du documentaire de Daniel Lecomte, intitulé « C'est dur, d'être aimé par des cons ». Et bah, mec, il pourrait délivrer un message plutôt sympa, tu vois, un truc énorme. Il dirait, il faut savoir arrêter une grève. Il est où ton dessin? Bah, mec, c'est un peu bonhomme. Il faut savoir arrêter une grève. Débordé par sa base. Mahomet débordé par sa base. C'est Mahomet, alors là, il regarde les dessins et il dit, c'est la première fois que les Danois me font rire. C'est bien la première fois. Voilà, maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. Tu peux mettre un dessus. Être aimé par des cons, c'est... c'est dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas mal, ça. Mais, je pense que c'est... Oh, Marc, ça pète. Hein. Mahomet fatigué des intégristes. Mahomet sous Prozac. Oh, Marc, c'est chouette, ça. Ouais. On met Mahomet débordé par les intégristes. Plutôt que par sa base. Mahomet débordé par les intégristes. Et là, il dit, C'est dur d'être aimé par des cons. Le dessin représente un homme qui pleure, la tête entre les mains. Au-dessus de lui, on peut lire « Mahomet débordé par les intégristes », comme on vient d'entendre. Et dans une bulle, c'est dur d'être aimé par des cons. Le numéro est prévu pour le 8 février. Derrière ces rires, retentissent au loin les cris des manifestants musulmans en Turquie, en Syrie, en Cisjordanie, le bruit des ambassades attaquées, puis des sirènes, des alertes à la bombe récurrentes devant le journal danois. Le dimanche, avant la publication, les locaux de Charlie Hebdo sont évacués, eux aussi. Le 7 février, c'est une assignation qui réveille le journal. Le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, espère ainsi faire interdire la publication. Il s'en explique au micro de France Inter, une heure avant l'audience. Si nous sommes tout à fait partisans de la liberté d'expression, j'appelle chacun la responsabilité, comme l'a fait le président de la République. La responsabilité, c'est de savoir maîtriser toutes les conséquences de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on imprime. Il ne faut pas être bout de feu, il ne faut pas être provocateur de haine et de passion qui divise notre société. Ça, je ne le souhaite sous aucun cas et je demande qu'il y ait vraiment calme et respect de l'ordre public. Si de pareilles publications doivent amener à l'excitation de passion ou de choses aux conséquences que personne ne peut mesurer, personne ne peut ni dire qu'il y en aura ou pas, je n'en sais rien. Je demande de faire attention, je demande vraiment d'être responsable. Au palais de justice, il y a foule. De nombreux journalistes et des équipes de télévision ont fait le déplacement. Mais il n'y aura pas de grand débat sur la liberté de la presse. Et pour cause. Dès les premières minutes, l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, met en avant une nullité de procédure. À la sortie de l'audience, c'est le soulagement, mais aussi la sensation d'un rendez-vous manqué. Deux jours plus tard, le Conseil français du culte musulman annonce son intention d'engager une action en justice contre les journaux ayant reproduit les caricatures du prophète. Charlie Hebdo, lui, est en kiosque. Dès les premières heures, les 160 000 exemplaires sont vendus. L'imprimerie est relancée. Deux fois, près de 500 000 numéros sont ainsi écoulés. Trois jours après, le 11 février, une manifestation à l'appel d'associations musulmanes est organisée. Place de la République. Oui, la République. En fait, c'est le messager de Dieu, il ne faut pas toucher. C'est pas quelqu'un comme moi, comme vous, comme quelqu'un d'autre. Il y a liberté d'expression et il y a respect. Et en fait, en tant que démocratie et que république, tout le monde se doit de respecter l'islam comme le judaïsme, comme le christianisme, comme l'athéisme. Nous avions émis l'idée de devoir interdire par la loi, puisque nous sommes en France dans un pays de droit, toute dérive des médias donc concernant quelques croyances que ce soit. On a l'impression que c'est une liberté d'expression sélective, alors que non, oui à la liberté d'expression, mais non à la diffamation, non à la haine. C'est l'un des derniers actes de l'affaire en France en cours de cette année. Entre-temps, près de 145 journaux dans 58 pays ont publié une partie ou l'intégralité des 12 caricatures de Mahomet. Les semaines passent, la polémique s'estompe peu à peu. En septembre, on apprend que Charlie Hebdo fait l'objet de deux procédures, l'une portée par l'Union des organisations islamiques de France, l'autre par la Grande Mosquée de Paris, toutes deux pour injure publique à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion. Elles visent trois caricatures, deux danoises, celle du turban transformé en bombe et des kamikazes accueillis par le prophète, et la une signée Kabu, la une de Charlie Hebdo bien sûr, avec sa fameuse phrase « C'est dur d'être aimé par des cons ». La date du procès est fixée au 7 février 2007. 7 février 2007, Paris, 17e chambre du tribunal de grande instance, celle qui juge les affaires de presse. La salle des pas perdus est bondée. S'y sont massées les associations musulmanes et des lecteurs de Charlie Hebdo qui s'écharpent déjà sur l'objet du scandale. Des dizaines de journalistes, caméras à la main, attendent l'arrivée des protagonistes. Dans le box des accusés, il y a Philippe Val, patron de la publication de Charlie Hebdo. Il est défendu par Richard Malka, avocat, et Georges Kejman, ancien ministre de la Justice de François Mitterrand, avocat, redevenu avocat en tout cas. Du côté de la mosquée de Paris, c'est Francis Mineur, proche de Jacques Chirac, qui assure la défense de la partie civile. À 9h, le procès commence par l'interrogatoire de Philippe Val, puis on présente les dessins. L'audience devient une sorte de conférence sur le dessin de presse. Que voit-on ? Une attaque contre la religion musulmane ou une critique contre sa frange intégriste, celle-là même qui égratigne chaque jour par ses actions l'image de la religion dont elle se revendique. Le scandale n'est pas né de la plume du dessinateur, mais simplement du regard de celui qui voit et interprète, comme le dit Riss, aujourd'hui directeur de Charlie Hebdo. Vers midi, premier coup de théâtre, une lettre inattendue est arrivée dans le courrier du matin. Elle traverse tout Paris pour atterrir dans les mains de Maître Kejman qui s'empresse d'en faire lecture à l'audience. Je tiens à apporter clairement mon soutien à votre journal qui exprime une vieille tradition française, celle de la satire. Je puis tout à fait comprendre que certains dessins incriminés aient pu heurter les convictions religieuses de certains de nos concitoyens musulmans. Pour autant, je préfère l'excès de caricature à l'absence de caricature. Et Kejman ajoute... Cette lettre est signée par Monsieur Nicolas Sarkozy. Au moment de cette déclaration, Nicolas Sarkozy est en pleine campagne présidentielle. En bon politique, il ne rate pas l'occasion du procès de Charlie Hebdo pour affirmer sa position. C'est un soutien inattendu pour le journal qui n'épargne pas le candidat UMP. Et c'est un coup dur pour Dalil Boubaker, président du Conseil français des cultes musulmans, que le même Sarkozy avait nommé à ce poste qu'il avait créé lui-même. Sur les bancs de la salle d'audience, des dessinateurs se délectent de la situation et de l'audience. Crayon et gomme à la main, il croque chaque moment du procès, comme Tignous, armé d'un épais carnet. Il y a de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y en a des franchement réussis, et puis des franchement pas bien, quoi. Voilà, là, c'est l'avocat de l'UOIF qui s'effondrait de plus en plus, qui se cachait, qui se demandait si le ciel allait pas s'abattre sur sa tête. À la fin, il était attendrissant. J'avais envie de le prendre dans mes bras, tellement il avait l'air malheureux. Spinner, il est bien aussi. Il a des petites moues absolument charmantes. Et Spinner, il était marrant parce que quand il était debout, et il n'est pas très grand, il se montait sur ses talons comme ça, il était assez rigolo. Ça, vous avez pu le dessiner, ça ? Ben oui, mais avec des petites rayures, c'est moins bien qu'au cinéma. La journée se poursuit. L'après-midi, c'est François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui vole au secours du journal. Puis François Bayrou, le nouveau chouchou des sondages, débarque à son tour. Il se déclare croyant, mais refuse toute atteinte à la liberté d'expression. Le procès devient un élément de la campagne de 2007. Chaque camp réaffirme sa position sur la place de la religion et la liberté d'expression. À côté des politiques, d'autres personnalités prennent la parole lors de l'audience. Le rédacteur en chef des pages culturelles du Hillands-Posten est là pour expliquer le contexte de la publication des 12 caricatures. Le journaliste algérien Mohamed Sifaoui arrive, lui, muni de drapeaux et d'illustrations d'organisations musulmanes où des armes sont liées à des versets religieux. Elisabeth Badinter a fait également le déplacement. Alors écoutons-la à la sortie de l'audience devant la caméra de Daniel Lecomte. Ce procès est pour moi fondamental parce que j'ai l'impression que la presse qui a osé publier les caricatures et donc exercer notre liberté d'expression a été pour moi comme le dernier rempart de mes libertés. Quand j'avais entendu Philippe Val à la radio dire « il ne faut pas céder », je peux vous dire que ça a été un soulagement pour moi et c'est ma cause que je viens défendre. J'ai laissé, parce que si par hasard le tribunal leur donne raison, nous ne pourrons plus parler, nous allons être terrorisés, nous ne pourrons plus parler et c'est le silence. Ce silence qui va tomber sur une société démocratique en apparence et qui en fait sera saisie par la terreur. Vers 18h, après la plaidoirie, le procureur Anne de Fontette refuse de suivre la partie civile et affirme que les éléments pour engager des poursuites contre Charlie Hebdo ne sont pas réunis. Alors on attend le jugement. Le soir même, Philippe Val reçoit de nouvelles menaces de mort. Le 22 mars 2007, le jugement arrive. Philippe Val et donc Charlie Hebdo sont relaxés. Mais l'affaire n'est pas close. Le 1er janvier 2010, Kurt Verstegaard, auteur de la caricature où Mahomet est coiffé d'une bombe, est victime d'une tentative d'assassinat. En novembre 2011, à la suite d'un nouveau numéro intitulé « Charlie Hebdo », le siège du journal Charlie Hebdo est détruit par un incendie criminel. Mais on n'avait pas tout vu. L'impensable surviendra le 7 janvier 2015. Dans la matinée, deux terroristes entrent dans les locaux de Charlie Hebdo et assassinent 8 confrères de Charlie Hebdo et 4 autres personnes. Les confrères s'appellent Cabuchard, Bonoré, Tignous, Volinsky et Maris, qui signaient dans Charlie Oncle Bernard. Un drame, un traumatisme dont on parlera encore dans 50 ans, peut-être plus, disons, que jamais nous ne l'oublierons. the lid and the dregs of my bed. Been sleeping, lower me down, pin me in, secure the ground for the later parade. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les caricatures de Mahomet, notre invité Z. Bonjour Z. Bonjour Fabrice. Alors, vous n'êtes pas des Z, vous êtes né avec un prénom et un nom que nous ne dévoilerons pas et nos auditeurs vont comprendre tout de suite parce qu'on va raconter d'abord votre histoire, elle est intéressante. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas éditorialiste, vous êtes architecte, d'accord? Oui. Bien. Vous êtes intéressé à la politique tunisienne à cause de projets d'urbanisme. On va commencer par là, c'est bien ça? Oui, on va dire que d'abord mon souci pour l'espace public, on va dire, est commencé simplement par une critique que j'avais portée sur des projets immobiliers qui étaient un peu, on va dire, trop violents pour l'écologie, la ville de Tunis. Et voilà, mon indignation a commencé d'abord par une critique d'architecte qui n'était pas content et qui avait utilisé ses compétences d'architecte pour expliquer au grand public les dangers d'un projet immobilier qui devait couvrir 800 hectares. Il faut imaginer, c'est comme presque, je sais pas, c'est comme la moitié d'un arrondissement de Paris. Mmh. C'est un énorme territoire. Et donc, en écrivant de manière technique, les gens ne comprenaient pas toujours, n'étaient pas forcément sensibles. Donc, avec le dessin, petit à petit, j'ai commencé à illustrer, puis très vite à me retrouver en train de faire de la caricature. Et comment ces dessins étaient-ils distribués ou par quel biais? Alors oui, j'avais commencé ça un soir par hasard, à travers un blog que j'avais ouvert. Ah, voilà. Je me disais bien, sachant que c'était en 2007 tout ça, c'est-à-dire il y a 10 ans de cela, que le régime de Ben Ali n'était pas un régime qui appréciait forcément la critique, donc j'avais pris la précaution de signer sous Z, de manière d'être anonyme, et de d'abord parler, voilà, de manière un peu scientifique, un peu académique on va dire, de projet d'urbanisme. Bien, sauf qu'après, vous êtes passé à autre chose, puisque vous êtes exprimé également sur l'épisode électoral de 2009, une mascarade de 2009. Vous avez tourné en dérision la campagne présidentielle de Ben Ali après sa réélection à 89%. Là, ça montre ce qu'on disait, la mascarade, quoi. Donc vous êtes allé plus loin, là vous êtes allé sur le terrain politique. Alors voilà, c'était progressif, c'est-à-dire au début je dessinais des flamants roses qui n'étaient pas contents, parce que le lac justement où allait se construire ce projet, c'était un lac de flamants roses, et comme ils allaient construire des ports de plaisance et tout ça, donc ça menaçait la survie, pas la survie, mais le, cet endroit qui était très prisé par ces oiseaux-là. L'équilibre. Voilà, l'équilibre de l'écosystème, en fait. L'écosystème, exactement. Donc voilà, au début, c'était des flamants roses. Ensuite, ça commençait à être le citoyen qui n'était pas content parce qu'on ne le consultait pas pour tout débat concernant la cité. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, finalement, à parler de politique. Donc, plutôt que de continuer à tourner autour du pot, j'ai fini par tout simplement parler du pot, qui était Ben Ali. C'est-à-dire qu'en gros, nous vivions, à l'époque, dans un système où le débat n'était pas possible. Donc, je me suis retrouvé petit à petit à couvrir aussi l'actualité des élections de 2009, entre autres. Sauf qu'il y a eu un épisode que vous avez dû très mal vivre, hein, puisque le régime a voulu se venger de ce qu'il considérait comme des dissidents. Des journalistes ont été arrêtés et une blogueuse a été accusée d'être Z. Oui, alors à l'époque, le sacré, on va dire, pour déjà aborder ce thème, le sacré, c'était la représentation de la figure du président. Donc c'était plus grave que de dessiner le prophète. Ouais. Et donc la campagne de 2009 était presque, j'avais presque mis en dérision la figure du président. Et donc ce que faisait la propagande à l'époque, c'est qu'elle laissait faire le temps de clore les élections. Et là, il y avait ce qu'on appelle un règlement de compte, une chasse aux sorcières. Donc tous les journalistes, tous les récalcitrants, tous les critiques, ont commencé à les embêter ou à les emprisonner. Moi, j'étais en France, donc à l'époque, donc je faisais mon blog de manière anonyme, mais une blogueuse qui s'appelle Fatma avait eu l'outrecuidance de reprendre mes dessins, mais n'était pas anonyme. Ouais. Et donc elle avait été arrêtée, et puis par Facebook, j'ai reçu de son avocate un message disant « il faut que tu sortes Z d'un dessin pour montrer que Fatma n'est pas Z parce qu'elle est accusée d'être Z ». Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous avez fait quoi ? Donc voilà, j'avais sorti un dessin déjà, qui avait certainement pas servi à la faire sortir, parce que la police savait très bien qu'elle n'était pas Z, mais c'était une manière de faire un avertissement contre tous les blogueurs, parce que j'étais pas le seul, évidemment, j'étais peut-être le seul à utiliser le dessin, mais c'était toute une communauté qui commençait à l'époque à se constituer. Nous étions en 2009, c'est-à-dire 2 ans avant la Révolution, et donc par l'affaire de Fatma, c'était devenu après l'affaire Fatma, c'était un avertissement contre toute la blogosphère, contre moi. Et elle a été retenue 5 jours, où on lui a pris son ordinateur. On a vu tous ses historiques et tout ça, pour voir avec qui elle échangeait, tout ça. Puis bon, elle est sortie. Et pour moi, il y avait après ça 2 choix à faire. Est-ce que j'arrête? Parce que là, le jeu commençait à prendre une tournure un peu trop sérieuse. Ou peut-être, puisque cette histoire m'avait rendu visible quelque part, ou je continue. Et pour le coup, continuer, vous voulez dire radicaliser encore plus le temps. Et vous avez continué. Et j'ai continué. Aujourd'hui, vous dessinez donc, vous commentez l'actualité, vous dites la peur m'a quitté, mais je reste vigilant, hein, d'où cet anonymat qu'évidemment nous respectons. Alors revenons maintenant aux caricatures de Mahomet, même si on n'est pas parti, on n'a pas quitté le sujet depuis qu'on parle. Hein. Les caricatures de Mahomet, donc reprises dans Charlie en France, d'abord dans François, il fallait le rappeler, et puis dans Charlie après. Que faisiez-vous en 2006, en février, quand Charlie a publié sa une intitulé « C'est dur d'être aimé par des cons ». Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel est votre souvenir de cet épisode-là? Alors en 2006, cette histoire, bien sûr, j'étais à l'époque très porté sur l'actualité. Je vivais en France, je n'avais pas encore commencé mon blog. J'avoue que peut-être à l'époque, c'était pas les sujets qui m'interpellaient le plus. Hein. Mm-hmm. C'est après coup que j'ai commencé rétrospectivement à voir et à interpréter, à essayer de comprendre quand je me suis retrouvé malgré moi caricaturiste, quel serait effectivement, on va dire, mon choix éditorial par rapport à la représentation du sacré. Aujourd'hui, je vous dis que je pense que je n'ai jamais été contre la moindre représentation de qui que ce soit, puisque déjà, à l'époque, le prophète n'était pas à l'ordre du jour de la Tunisie sous Ben Ali, c'était Ben Ali. Et donc pour moi, la priorité, c'était ça, quoi. C'était ça. C'était et donc Ben Ali. Représenter le sacré, pour moi, si le sacré est au pouvoir, eh ben, raison de plus, même pour le représenter. Quel est votre regard sur l'ensemble des réactions que vous avez pu entendre de la part des autorités françaises, des officiels, des ministres, présidents, par rapport à ce concept si fort en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais la France a fait, une sorte quand même d'absolu de la laïcité. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces réactions, au moment des faits? Alors, j'ai quand même peut-être en fond de moi, mais ça c'est peut-être lié à ma vie de Tunisien éduqué sous une dictature, c'est toujours de me méfier du pouvoir. Alors même si le pouvoir se part des plus belles causes, ouais, je reste toujours un peu sur la défensive. Alors bien sûr, le principe de défendre une liberté d'expression, qu'elle soit, que ce principe soit défendu par le pouvoir ou par quiconque, c'est quelque chose de toujours jouissif. Après, il faut voir le rapport, on va dire, des pouvoirs, de la domination en France, pour pouvoir réétudier cette question qui me paraît très très complexe encore. Et j'avoue que vous m'offrez peut-être ici l'opportunité de réfléchir avec vous, parce que je ne sais pas ce que c'est que de dessiner le prophète en France ou de le dessiner dans les pays arabes. Alors, en France, notamment les musulmans de France, certains musulmans de France, on va pas globaliser, puisqu'il y a eu chez les musulmans des réactions diverses. On a parlé de provocation. Ah, c'est une provocation, mais pourquoi vous nous provoquez? Si vous ne nous provoquiez pas, il y aurait pas ce débat, il y aura pas cette tension. Est-ce que selon vous, il y a provocation quand on fait en France, on va dire en France, pour le coup, quand on représente le prophète? Est-ce que c'est une provocation ou est-ce que c'est une liberté? Je crois que la provocation fait partie de la liberté. C'est bien sûr une provocation, mais le droit à la provocation doit être permis, bien entendu. En cela, je considère qu'un caricaturiste, c'est un provocateur. Il doit garder cette dimension de provocateur. Ce que je dis simplement, que la provocation doit toujours, quelque part, pas toujours, et je ne pose pas d'absolu, mais la provocation est beaucoup plus utile quand on l'oriente vers celui qui nous domine, ou vers le pouvoir de manière générale. Alors, en 2011, puisqu'on parle de provocation, ou de ce qui peut être reçu comme une provocation, Charlie Hebdo, en 2011, est victime d'un incendie criminel, le jour de la publication d'un numéro spécial sur Mahomet, intitulé, on l'a dit dans le récit, « Charia Hebdo ». Le titre était bien inspiré quand même. Un an plus tard, Charlie publie une BD intitulée « La vie de Mahomet ». À cette époque, Charb est directeur de Charlie Hebdo. C'est lui qui publie la BD. Et dans l'archive que nous allons écouter, qui date de 2012, il s'explique sur la question justement de la représentation de Mahomet. Cette tradition qui veut que Mahomet ne soit pas représenté, c'est juste une tradition. C'est absolument pas en plus inscrit dans le Coran. Et à partir du moment où c'est pas pour se moquer de Mahomet ou ridiculiser Mahomet, je vois pas pourquoi on pourrait pas le lire comme on lit au catéchisme des histoires de Jésus. Moi qui suis athée, Mahomet c'est éventuellement un personnage historique et je peux le représenter comme je peux représenter Napoléon ou De Gaulle ou n'importe qui d'autre, ou Marx. On peut rire avec l'islam et les musulmans sont prêts à rire d'eux-mêmes aussi. Sauf qu'à les considérer à chaque fois comme des handicapés du rire, on fait pas du tout le jeu de l'islam en France, l'islam apaisé. On fait le jeu des extrémistes, en pensant que tous les musulmans vont réagir comme des extrémistes. La peur est le meilleur ennemi de l'islam, quoi. Il faut peut-être un jour arrêter d'avoir peur de l'islam. Je crois qu'on peut parler de la religion musulmane comme on peut parler de toutes les autres religions. Il faut arrêter de traiter les musulmans qui vivent en France comme des extraterrestres. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais moi, je ne peux que être d'accord, effectivement. Hein, je pense que l'infantilisation aussi des musulmans, en France, par exemple, genre quand on ne devrait pas les froisser, bien sûr, ce serait très dangereux de faire ce genre de traitement un peu particulier. La question de la représentation du sacré, peut-être moi ce que je pourrais vous donner comme information, c'est qu'est-ce qu'il en est de la caricature, de la représentation du sacré, on va dire, dans le monde arabe. Est-ce que, selon vous, existent des dessinateurs qui se sont aventurés dans ce territoire sous occupation ou pas? Est-ce qu'il en existe? Alors écoutez, je ne sais pas que je vais prétendre être le seul, parce que ce n'est pas vrai, mais je fais partie de ceux qui s'aventurent dans ce territoire, et je peux vous donner un témoignage sur ce que c'est la réaction, on va dire, de l'opinion arabe, oui, même si j'aime pas ces généralités. Je vous en prie. Alors déjà, comme toute culture, comme toute population, elle est très complexe. Il n'y a pas de statistiques pour savoir réellement si en Tunisie, par exemple, les gens seraient majoritairement pour ou contre. Moi, je peux constater que si je reçois des insultes, je reçois surtout des gens qui veulent que la chape de plomb puisse tomber. Le seul problème, quand sur même, ce point-là, sur le point de la représentation du prophète. Bien sûr, parce que moi, j'ai expérimenté ça, c'est-à-dire, je fais de la provocation Bien sûr, je ne le fais pas de manière gratuite. C'est quand l'actualité s'y prête, c'est là où je peux m'aventurer sur ce champ-là. Je peux constater que oui, il y a toujours une réaction quelque part symboliquement positive pour le symbole déjà d'avoir franchi ça. Alors bien sûr, il faut que le contenu soit aussi à la hauteur de cette prise de risque. Mais oui, il y a une part de l'opinion qui est prête, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, en Tunisie, je sais qu'il y a une part d'opinion qui est prête à ça. Mais par exemple, la gauche tunisienne, de manière générale, elle est souvent athée. Mais par contre, elle est dans une situation un peu embarrassante. C'est qu'elle sait qu'elle s'adresse à une population, c'est un peu sa clientèle électorale, qui est croyante. Alors bien sûr, ils vont me dire, on adore tes dessins, mais s'il te plaît, essaie d'éviter trop la religion, parce que ça ne nous arrange pas électoralement parlant. Voyez. Bon, et bien justement, on va parler de tout à l'heure de la Tunisie, ce qu'elle est devenue 7 ans après son printemps arabe, le premier, je le rappelle, et manifestement celui qui a le plus réussi. On se retrouve après avoir écouté General Electric's Never Can Get Enough. Saturation. We don't show. Ben vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les caricatures de Mahomet avec notre invité Z, caricaturiste blogueur tunisien. La Tunisie, puisque c'est votre pays, il y a 7 ans se lançait dans un printemps, le printemps arabe, le premier de tous, c'est le seul qui a vraiment débouché sur une avancée démocratique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Quel regard portez-vous sur votre pays après cette révolution? Alors, la levée de la censure, déjà, mon blog n'est plus censuré en Tunisie, à partir de la révolution de 2011. Les artistes en Tunisie s'expriment plus librement, on peut parler pratiquement de tout, même du religieux. On peut remettre en question certaines thèses, certains dogmes, même à la radio. Ça reste malheureusement des débats toujours qui vont pas très loin, mais c'est simplement pour dire... C'est peut-être la seule chose qu'on a réussi à accomplir dans ce foutu printemps arabe, parce que beaucoup de pays aujourd'hui ne peuvent plus parler de printemps. La Tunisie demeure le seul, en tout cas, à avoir réhabilité une forme de débat public. Comment vous avez vécu ce début de l'année 2011? Enfin, l'étincelle, c'était en décembre 2010, hein, et puis la révolution en tant que telle est partie en janvier 2011. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que Tunisien, homme de liberté en plus? Moi, c'était une double libération. Celle du pays, déjà, de ma famille, de mes amis, de tout ce que cela incarne, mais ma propre libération, puisque je pouvais être tranquille en rentrant en Tunisie, parce qu'après la ferme Fatma, je ne savais pas si j'étais identifié par la police. Donc moi, j'étais libéré. Je pouvais aussi même dire à mes parents que j'étais Z, parce que mes dessins étaient connus par Facebook. Donc c'était cette occasion de me libérer, de faire mon coming out presque. Bien, vous continuez votre œuvre de liberté d'expression citoyenne, hein, parce que vous n'êtes pas journaliste citoyenne. Vous allez dire, on peut aussi être journaliste et citoyen, mais bon. Vous êtes lancé dans un film d'animation, c'est ça? Alors, je ne suis pas vraiment lancé, c'est le début de l'écriture, mais c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis très longtemps, et je pense mettre le pied dans... dans ce territoire sous occupation. J'aimerais m'approprier d'une fable religieuse, mais de la raconter de manière plutôt poétique, plutôt ludique. Et c'est une aventure dans laquelle je vais me lancer et on verra ce que ça va donner. Mais vous l'imaginez comment? Avec des représentations? C'est la question sensible, hein, ça va bien avec l'émission, justement. Pourquoi est-ce que, effectivement, devrait-on... réfléchir à ça en fonction du chantage religieux? C'est ça la question que je pose. Pourquoi est-ce que nous autres artistes, nous n'avons peut-être pas le droit de nous réapproprier la figure du prophète, les dogmes religieux, de les reconstruire, de les déconstruire? Donc voilà, moi j'aimerais... Mon expérience déjà de caricaturiste, alors pas blasphématoire, mais j'ai déjà su ce que c'était que le sacré sous Ben Ali, sachant que le sacré... C'était lui et son régime? Ouais, c'est le paramètre du sacré, on va dire, il se décrète par le pouvoir. Hein. Même le religieux, il faut pas oublier que toute cette histoire de religieux c'est une histoire de pouvoir, bien sûr. C'est une histoire de manipulation du pouvoir. Hein. Les caricatures danoises, ceux qui sont sortis dans les rues, vous pensez que c'est le musulman lambda qui était chez lui, qui était sorti comme ça, il y a derrière tout ça des enjeux politiques qui ne peuvent se comprendre peut-être qu'à l'échelle de la géopolitique. Donc pour revenir à ça, oui, je peux considérer que moi, en tant qu'artiste du monde arabe, j'ai le droit de re-questionner ce territoire-là. Bien, et bien ce sera le dernier mot, votre dernier mot. Z, merci d'être venu nous voir et témoigner. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les caricatures de Mahomet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.